une jeune fille en fleurs. Maman avait averti Faustine. « Tu deviens grande fille, bientôt tu seras pubère. Tu seras capable de procréer, comme nous toutes. Tu vas avoir ce qu'on appelle des règles. » En Chine, ils appellent cela « accueillir la petite visiteuse rouge ». C'est joli, non ? Concrètement, un jour tu saigneras de là, elle lui avait désigné l'endroit. N'aie pas peur, c'est normal. Et préviens-moi tout de suite, je te dirai ce que tu dois faire. Est-ce que ce sont les anxiétés de ces dernières semaines qui ont tout déclenché? Voilà qu'un matin, en se levant, Faustine découvre quelques taches rouges sur son lit. Elle avait mieux dormi que d'habitude et ne souffrait absolument pas. Et pourtant, Dieu sait si elle en avait entendu des histoires d'horreur dans la cour de récré. Maman, prévenue avec enthousiasme, apporte à sa fille une serviette et une ceinture. Elle lui offre aussi un petit carnet, lui enjoignant de noter systématiquement tous les mois le jour du début de ses règles. Faustine se sent très importante. Elle fait enfin partie du clan de celles qui les ont. Une date à retenir. Et puis très vite, elle s'habitue. Il y a des choses plus captivantes dans la vie. Elle a la chance de ne pas souffrir et d'être réglée comme du papier à musique, comme on dit. C'est tant mieux parce que les parents ont assez de problèmes comme ça. Plus tard, quand elle entendra toutes les bêtises à propos des Ragnagna et autres Anglais, elle se fera sa petite philosophie. Sûrement que si les femmes vivent plus longtemps que les hommes et sont plus solides en général, c'est grâce à ce nettoyage mensuel qui leur permet de se régénérer. Tout de suite après la faillite d'Orac 5, les parents ont demandé un prêt conséquent au pépé, histoire de payer les loyers en retard et de redémarrer. Ils se sont souvenus des petits paniers qu'ils avaient déjà confectionnés et vendus en Belgique avec un succès grandissant. Ils ont repéré au-dessus de Nice, dans la zone industrielle, des fournisseurs de vannerie et de mousse synthétique. Ils ont contacté des représentants stéphanois, roubaisiens et boussacois de tissus, croquets, dentelles et décorations diverses. Ils ont choisi des échantillons sur catalogue. Chez un marchand de couleurs, ils ont acheté du brou de noix et du vernis. Ils ont cogité ferme, créé des modèles, calculé des patrons. Une première collection comportant des bannetons, paniers à pommes de terre, corbeilles à layettes, à couture, à tricot, a vu le jour. Des corbeilles garnies à tous les prix pour tous les goûts et toutes les bourses. C'est un travail sympa. Dans la baignoire, papa fait un bain de brou de noix et y trempe les pièces à teindre. Puis il les met à sécher au balcon sur des clés. Le soir, devant la télévision, il passe un vernis sur les vanneries sèches. De son côté, maman coud les modèles qu'elle a découpés d'après les patrons. Elle a installé sa machine à coudre les pièces de tissu dans la chambre de Stéphane. Dans l'armoire de Faustine, elle a empilé les habits sur le côté et mis à la place les gros paquets de mousse. Ça pue la chimie, burk. Les vanneries, elles, occupent une partie du salon. La première collection tient tout entière sur le piano droit du salon. Papa la dispose dans une grande valise, chaque pièce soigneusement emballée dans du papier de soie. Ces prochains jours, elle mettra son plus beau costume et partira en tournée dans les magasins de cadeaux et souvenirs de la région. Il espère recevoir des commandes en prévision de Noël. Le lendemain soir, papa rentre tout sourire. La journée a été un réel succès. Dans chaque magasin qu'il a démarché, les clientes se jetaient sur la marchandise, tant elles trouvaient les modèles jolis. Résultat, les commerçants lui ont signé de grosses commandes. L'affaire démarre sur les chapeaux de roue. À l'école, Faustine s'accorde bien avec Nicole, son amie anglaise. Entre les cours, elle bagnote dans les ruelles du vieux Cagne, ignorant bien sûr le musée Renoir, mais admirant les bijoux proposés dans les petites boutiques. Parfois, Nicole vient en croque-canne dans la chambre de Faustine, mais celle-ci préfère de loin aller à la Colle-sur-Loup où réside son amie dans un mât somptueux. Le père de Nicole est un homme d'affaires extrêmement riche. Un jour, il récupère les filles à l'école. Il s'est offert une Rolls-Royce qu'il apprend à conduire. Un chauffeur est venu de Londres dans ce but. Faustine, confortablement installée à l'arrière à côté de son amie, n'a jamais vu un tel luxe. Depuis les sièges en cuir jusqu'au tableau de bord en acajou, elle est béate d'admiration et presque aussi fière que leur pilote. À Noël, papa et maman préviennent les enfants que les affaires marchent si bien qu'il va falloir trouver un logement plus grand, pourvu d'un entrepôt. Ils ont résilié leur bail, ils commenceront les recherches après les vacances, et s'ils trouvent leur bonheur, la famille déménagera à Paris. Ils aimeraient bien s'installer du côté d'Antibes, afin que Faustine continue au lycée de Cagnes jusqu'aux examens. Le pépé vient les voir quelques jours, logés à l'hôtel, et maman accomplit des merveilles en cuisine, afin de le recevoir dignement. On ira se promener avec lui dans les gorges du Verdon, au Mont-Boron et sur les remparts d'Antibes. Comme cadeau de Noël, Faustine recevra une nouvelle garde-robe superbe, mais pas la guitare demandée. À la place, un jouet, sorte d'imitation inutilisable. Maman trouve que Faustine chante faux et qu'elle n'a pas le sens du rythme. Elle rigole. « Si tu arrives à sortir de son corail de ce jouet, on en reparlera. » Devant un tel obstacle, Faustine renonce, sans trop de regrets finalement, à ses ambitions musicales. En définitive, quand il s'agit d'éviter le rejet, elle est assez facile à convaincre. Après tout, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on l'aime.